J'ai perdu mon béret. Bizarre, bizarre, j'ai perdu mon béret. Bizarrement, je l'ai vu s'envoler. Bizarre, bizarre, je l'ai vu s'envoler. Bizarrement, avec mes deux souliers. Bizarre, bizarre, avec mes deux souliers. Bizarrement, sur un cochon doré. Bizarre, bizarre, sur un cochon doré. Bizarrement, quand ils sont revenus. Bizarre, bizarre, quand ils sont revenus. Bizarrement, je leur en ai pas voulu. Bizarre, bizarre, je leur en ai pas voulu. Bizarrement, mais ça m'a réveillé. Bizarre, bizarre, mais ça m'a réveillé. Bizarrement, je me suis habillé. Bizarre, bizarre, je me suis habillé. Bizarrement, les pieds dans mon béret. Bizarre, bizarre, les pieds dans mon béret. Bizarrement, elle la tête aux souliers. Bizarre, bizarre, elle la tête aux souliers. Bizarrement, quant au cochon doré. Bizarre, bizarre, quant au cochon doré. Bizarrement, je ne l'ai plus revu. Bizarre, bizarre, je ne l'ai plus revu. Bizarrement.